Et maintenant, retrouvez notre jeune héros à la coupe au bol flamboyant dans les aventures de Mini-San. Ça, mais je pourrais oublier l'odeur de la pâte à modeler. Quand l'école c'était découper des trucs et faire des colliers. J'aime bien ma maîtresse, mais je préfère la maîtresse d'un côté. Normal, c'est ma mère, les autres enfants veulent la voler. Donc à la récré, je leur ai dit de laisser la maman des autres. Ils m'ont fait bouffer du sable, m'ont dit nique ta mère, sale intello. De toute façon, je préfère être seul et faire des biomes. Non, l'ego, les gamins du lotissement m'ont coupé les freins sur mon vélo. Donc je dessine un petit lapin sur mon plâtre. J'aurais dit ça fait pas mal, mais ça fait mal et ça gratte. Je fais des prières pour qu'ils crèvent, on déménage par miracle. Nouvelle école, nouvelle map, plus de roulettes, le monde est vaste. Superstitieux, en voiture je dois compter tous les arbres. Marcher sur tous les pavés, oui m'arrive quelque chose de grave. Une seule télé dans la salle, donc je me lève à 6 du mat. Je finis jamais le jeu, ma mère débranche la prise, nique la sauvegarde. Toujours à côté de la plaque, une chaussure différente à chaque pied. Le petit Aurélien cherche ses parents dans le supermarché. On vit dans un nouvel appart, les murs c'est du papier. La nuit la voisine fait, je suis dépassé. Je dis que je veux devenir médecin pour qu'on m'offre un stéthoscope. En fait je m'en sers seulement pour écouter aux portes. Rempli de toc, je me sens bizarre dès que la musique est trop forte. J'ai pas de potes, quand j'envoie la balle c'est le mur qui la renvoie. Des fois je bloque, je crois que mon père s'est fait changer par un alien. Je sais que c'est pas vraiment vrai, j'esquive quand même depuis 3 semaines. Timide, je me fais pipi dessus, j'ose pas demander les toilettes. Je passe les week-ends à la ferme ou en ville chez mamie Madeleine. Ma mère rentre dans ma chambre, me dit mais pas ton pige. Ton père t'emmène voir SOS Phantom 2 en ville. Y'a école demain mais je suis au cinéma. C'est le meilleur jour de ma vie, dites rien à mon petit frère, il sait pas. Hier j'avais 15 ans, avant-hier j'avais 5 ans. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà maintenant. Mini 5 ans, dit à travers sa quête. Les meilleures histoires sont celles dans sa tête. Jamais j'oublierai l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. En boule dans un fossé, j'essaie d'amortir les coups de pied. Mon père a secoué des gosses du quartier qui m'ont retrouvé. Facile, on est dans la même classe, c'est la première journée. Je pourrais me venger, ils ont de la chance que j'ai pas de force. Du coup j'ai fait rigoler, je les oblige à devenir mes potes. Au collège je les sale gosse comme technique de survie. Je vole les clés du placard, on enferme le prof de musique. Des chasubes qui puent, le bruit des semelles sur le parquet. Je tape dans mes mains parce que le meneur voit pas que je suis démarqué. Mon père crie dans les tribunes pendant que je fonce vers le panier. Je travaille que mon shoot, j'ai un drip de merde, je me fais bâcher. Je vais déménager, pour l'instant c'est les vacances. On est au camping, j'ai Stephen King dans ma tente. On est 5 maintenant sur les autoroutes de France. Même si je m'inquiète pour la rentrée, je me dis quand même j'ai de la chance. Et j'ai bien fait de m'inquiéter, la rentrée c'est une catastrophe. Ou comment ma vie n'est plus qu'une grande réunion parents prof. Dans mon nouveau collège c'est mon père le principal. Retour à quand j'ai pas d'amis, ceux qui se qu'on veulent du mal. Non, un grand menace, à la sortie c'est ton tour. J'y réponds sans jamais d'ici, j'habite dans la cour. En cours, j'essaye de sortir la technique de faire le clown. La prof de bio dans mon salon, la fout dans les yeux de mon daron. Il me dit que je lui fous la honte, tu dis moi aussi j'ai honte. Genre quand vous vous déguisez au réveillon sur la salsa du démon. Je sais pas pourquoi j'ai sorti cet exemple sous la pression. Tout ce que je sais c'est que j'oserai plus jamais lui répondre. Figurine en plastique, Warhammer carte magique. J'ai réussi à devenir ami avec 2-3 geeks. On passe un été fantastique, rien peut briser notre amitié. Sauf quand ma meuf arrive et dit tes potes font grave pitié. Du coup je les évite pour mettre les mains sous son sweat. On tilt tous les après-midi, Kurt Cobain chante acoustique. Chaque fois que je dois partir et pleurer, me dit si tu t'en vas je te quitte. Rentre en retard chez moi, j'appelle, elle me dit si tu raccroches te quitte. Sur le téléphone fixe, au bord de la crise de panique, je lui dis que je déménage, elle me dit si tu déménages te quitte. Je déménage, ça nous sépare, je vais peut-être commencer à vivre. Écoute dans la place pour être. Si tu veux connaître la suite. Plus le temps passe et plus le temps passe vite. Revenir en arrière nostalgique à la magique. J'ai sauté des pages en voulant connaître la suite. Plus le temps passe et plus le temps passe vite. Plus je repense à ces pages perdues. Du temps où j'en avais plus. Plus suffisamment jeune pour en être sûr. Plus suffisamment jeune pour en être sûr. Hier j'avais 15 ans, avant-hier j'avais 5 ans. J'ai du mal à croire qu'on soit déjà maintenant. Déjà maintenant. J'aimais mieux le monde quand il y avait tout le monde dedans. Laisse-moi revenir en arrière quand le monde était ma mère. C'était juste un jeu la guerre, j'aimais mon anniversaire. Je pouvais rester sans rien faire, sans en faire un enfer. Quand j'avais mes grands-pères, parti de foot avec mon frère. Je parlais à tort et à travers, sans offenser la terre entière. Quand j'avais des points de repère, laisse-moi revenir en arrière quand le monde était ma mère. C'était juste un jeu la guerre, j'aimais mon anniversaire. Je pouvais rester sans rien faire, sans en faire un enfer. Quand j'avais mes grands-pères, parti de foot avec mon frère. Parler à tort et à travers sans offenser la terre entière. Quand j'avais des points de repère, laisse-moi revenir en arrière.